Je me suis embranché sur un graton. Je me suis empégué une gravette, attrapé une gravette. Le graton, c'est un petit caillou, un peu comme une gravette, qui est du petit gravier. La boule qui tombe sur un graton ou une gravette est déviée. Elle peut aussi être accélérée ou au contraire freinée. Dans le premier cas, elle fuse. Dans le second, elle s'ensuque. Elle reste en place comme assommée. Plus gros qu'un graton, le caillou, ou le code, qui est un galet. Ma boule a bombé sur un caillou. Elle a tapé sur un caillou et elle a rebondi. Sur un tel terrain, il faut mander, porter et même plomber, envoyer la boule assez haut pour qu'elle retombe quasiment à l'aplomb du bouchon et pour qu'elle s'immobilise rapidement, si possible, la biller, la serrer. Pour essuyer tes boules, il te faut une paille, bout de tissu de la taille d'un mouchoir. À Marseille, on dira estras. On peut aussi entendre fat. L'été, les joueurs ressentent le besoin de mouiller leurs boules pour les sentir bien en main. Sur un terrain roulant et pentu, dans le sens de la descente, si tu humidifies tes boules, alors ramasse. Un peu de sable ou de poussière s'y colle, ce qui freine leur tendance naturelle à rouler bien au-delà du bouchon. Le règlement interdit cela, mais un joueur peut toujours aller au robinet sous prétexte de boire. Il en profite pour mouiller sa paille. Par ailleurs, d'un mauvais joueur, on dira qu'il joue comme une paille. Face à un jeu très encombré, on ne sait trop que faire. Une solution est de démarmailler, de démêler. Pour cela, il faut pointer fort dans le moulon de boules, le tas de boules. Et, c'est prudent, implorer le dieu de la chance. En effet, quand tu démarmailles, tu risques d'empêcher une boule tienne qui avait le poing. Autrement dit, tu risques de faire une cagade, voire une belle cagade.